Le livre de Josué. Les événements du livre de Josué se déroulèrent au 15e siècle avant l'ère chrétienne. Dieu avait appelé Josué à succéder à Moïse. C'est donc lui qui fit entrer Israël dans le pays de Canaan, ce pays qui correspond à la Palestine actuelle. Josué avait été préparé durant de longues années à la responsabilité qui lui fut confiée. Déjà peu après la sortie d'Égypte, lorsqu'Israël rencontra Amalek, son premier ennemi, Exode chapitre 17, Josué fut chargé par Moïse de conduire le peuple dans la bataille. Moïse n'épargna aucun soin à la formation de son jeune serviteur. En Exode chapitre 24, nous lisons que Josué accompagna Moïse sur le mont Sinaï. En Exode chapitre 33, il est dit que Josué ne sortait pas de la tente où Dieu se révélait à Moïse. Josué avait aussi besoin d'apprendre à discerner. Lorsque le peuple d'Israël se voua à l'adoration du veau d'or, Exode chapitre 32, Josué crut entendre un cri de guerre dans le camp, alors que le peuple se livrait à des divertissements coupables. En Nombre chapitre 11, il pensa bien faire en s'opposant à deux hommes qui prophétisaient dans le camp. Mais peu à peu, au cours de toutes ces années, la grâce du Seigneur fit de Josué un précieux instrument pour Dieu. Aussi, lorsque le moment vint où Moïse devait se décharger sur son successeur, Josué était-il prêt à porter les responsabilités ? Nous lisons dans le livre des Nombres, au chapitre 27, à partir du verset 15. Moïse parla à l'Éternel et dit « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » L'Éternel dit à Moïse « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit. » Et tu poseras ta main sur lui, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. L'Esprit de Dieu résidait donc en Josué, ce qui était essentiel pour la mission que Dieu allait lui confier. Or, cette mission était redoutable, et après la disparition de Moïse, Josué en sentit tout le poids. Alors Dieu se révéla à lui pour le fortifier et l'encourager. Nous lisons Josué, chapitre 1er, versets 6 à 8. « C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Josué sentait sa faiblesse, mais la parole divine fut sa force. Il réussit dans ses entreprises parce qu'il méditait la loi de son Dieu. Si cet homme conduisit victorieusement Israël et réussit dans toutes ses entreprises, c'est que la parole divine ne s'éloignait pas de sa bouche. Il la méditait chaque jour. Quel exemple pour nous! Si nous savons méditer la parole de Dieu tous les jours de notre vie, le Seigneur fortifiera notre foi et il y aura également réussite spirituelle et bénédiction sur nos entreprises. Le livre de la loi de Dieu prit donc une place importante dans la vie de Josué. Que de fois il y trouva directives et inspirations pour l'accomplissement de sa tâche. L'on conçoit donc aisément que Josué ait poursuivi la rédaction commencée par Moïse en mettant par écrit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le récit des événements dans le livre de Dieu. Nous lisons en Josué 24-26. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. Et quelles étaient-elles, ces choses? Son livre comprend deux parties distinctes, la conquête du pays de Canaan, chapitre 1 à 12, et le partage du pays, chapitre 13 à 24. Au chapitre 1er, Dieu confirme son appel à Josué. Le chapitre 2 raconte l'expérience de deux espions à Jéricho, la forteresse cananéenne, clé de la conquête. Josué 3 et 4 dépeignent le passage du Jourdain lorsque Dieu ouvrit miraculeusement les flots devant Israël. Josué 5 montre le peuple entrant dans l'alliance de son Dieu en pratiquant la circoncision, signe de cette alliance. Puis, dès Josué 6, c'est la conquête. Les murailles de Jéricho tombent devant Israël, car Dieu combat pour lui. En Josué 7, le peuple essuie une défaite. La cause en est découverte. Un homme a désobéi en accaparant des trésors trouvés dans le butin, ce que Dieu avait strictement défendu. Aussi, tant que l'interdit n'est pas ôté du milieu du peuple, Israël est vulnérable à l'ennemi. En Josué 8, il redevient victorieux, la ville d'Aï est conquise et la loi de Dieu proclamée sur les montagnes d'Israël. Puis les habitants d'une cité voisine, nommée Gabaon, agissent par ruse, engageant Israël dans une alliance compromettante. Josué chapitre 9. Mais cette défaite apparente se change en une succession de victoires. Les chapitres 10 à 12 dépeignent la grande conquête des villes du Midi et la bataille qui assura la possession du nord du pays. Les chapitres 13 à 19 sont consacrés à l'attribution de l'héritage désigné pour chaque tribu, le chapitre 20 aux cités de refuge, le chapitre 21 à la répartition des villes réservées aux Lévites. Le chapitre 22 décrit le retour des tribus qui avaient leur héritage à l'est du Jourdain et les premiers problèmes que cette situation provoque. Enfin, les chapitres 23 et 24 montrent Josué au soir de sa vie, transmettant ses dernières instructions aux anciens d'Israël et exhortant le peuple à rester fidèle à Dieu. Mais le livre de Josué représente infiniment plus qu'une narration de bataille et une répartition d'héritage. L'apôtre Paul l'a bien dit. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. Le livre de Josué contient de précieuses leçons spirituelles dont l'enfant de Dieu peut tirer le plus grand profit. La vie chrétienne n'est ni une partie de plaisir, ni un genre de promenade touristique, mais elle est une déclaration d'hostilité à notre adversaire, Satan, déclaration à laquelle le chrétien doit personnellement souscrire. Comme soldats de Jésus-Christ, nous sommes tous engagés dans une guerre offensive contre le royaume des ténèbres, parce que nous sommes tous au seuil d'un pays à conquérir. Aussi, ne soyons ni surpris, ni pris au dépourvu. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Nous affrontons les forces du sous-monde appartenant à un adversaire puissant. Le Nouveau Testament nous parle de cette lutte spirituelle dont l'issue victorieuse ne fait aucun doute. Mais, pour être du nombre des vainqueurs, il nous faut revêtir toutes les armes du chrétien décrites au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens et dans la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5, que nous citons. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. L'Église militante de Jésus-Christ doit entrer à son tour dans un glorieux pays de la promesse et dans l'héritage spirituel que son Seigneur lui réserve. Mais cet héritage, ce n'est pas seulement le ciel. C'est d'abord les conquêtes victorieuses du royaume de Dieu ici-bas. Or, le livre de Josué est en quelque sorte un manuel d'instruction pour ces conquêtes. C'est par la foi qu'Israël passa le Jourdain, conquit Jéricho et vainquit les Cananéens. Et c'est aussi par la foi que nous devons passer à l'offensive pour notre Seigneur. Et s'il y a des désobéissances, des compromis ou des interdits dans nos vies, nous serons vaincus sur le champ de bataille, comme ce fut le cas pour Israël autrefois. Si nous voulons conquérir du terrain pour le Seigneur, il nous faut aussi apprendre à discerner les pièges de l'adversaire. Israël suivait les ordres de Josué, son chef. Nous, nous suivons les ordres du divin Josué, de Jésus, celui que l'Écriture désigne comme le chef et l'initiateur de notre foi. Josué était en toute chose le précurseur de Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous faut mettre ici devant vous une similitude de termes. Le sens du nom Josué en hébreu correspond exactement au sens du nom Jésus en grec. Et Jésus veut dire sauveur. Tout dans ce livre de Josué nous parle effectivement du sauveur. Je me bornerai au seul exemple du chapitre 20 qui met devant nous une illustration évidente de l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Lisons les trois premiers versets de ce chapitre. L'Éternel parla à Josué et dit « Établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. » Dieu voulait que le coupable soit puni, mais il tenait à ce que le meurtrier involontaire échappe au vengeur de sang. Qu'un accident survienne, il y avait à proximité une ville où le meurtrier involontaire pouvait se réfugier jusqu'à ce que justice lui soit rendue. Dans tout le pays, des panneaux indicateurs signalaient, le long des chemins, la ville de refuge la plus proche. Dès que le meurtrier involontaire l'atteignait, il était en sécurité, à l'abri de toute vengeance. Parce que nous sommes pécheurs par nature, nous sommes des meurtriers en puissance. Parce que le péché règne en nous, nos cœurs sont souvent remplis de haine. Et devant Dieu, il n'est pas nécessaire d'être un criminel pour être profondément coupable. Aussi avons-nous besoin, à notre tour, de courir vers un refuge sûr, et ce refuge, c'est Jésus-Christ. Remarquez l'analogie. Les villes de refuge sont présentées par quatre chapitres de l'Ancien Testament. Et Jésus-Christ nous est présenté par quatre évangiles dans le Nouveau Testament. En Jésus-Christ, nous pouvons trouver sécurité éternelle et délivrance définitive de toute condamnation. Il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Voulez-vous, en ce jour, reconnaître votre culpabilité devant Dieu et vous réfugier en Christ afin d'y trouver abri, salut et vie éternelle? Alors Jésus-Christ sera véritablement votre ville de refuge, car vous trouverez en lui la garantie absolue de votre justification et de votre salut éternel. Puissiez-vous tous en faire l'expérience et que Dieu vous bénisse.